titre donc de ce dernier album Music Hall, Home is where it hurts, et Gospel with no Lord, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Camille. My home is no door, my home is no roof, my home is no windows, it ain't waterproof, my home is no handles, my home is no keys, if you're here to rob me, there's nothing to steal. À la maison, dans ma maison, c'est là que j'ai peur. Home is not a harbor. Là où c'est hanté, t'as posé tes clés, là où t'étais bouclé.